Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Nous sommes le 29 janvier de quelle année ? De l'année 1635, de l'an de grâce, devrais-je dire. Ce jour-là, des lettres patentes signées de la main du roi Louis XIII confirment de manière officielle la fondation de l'Académie française. Comme vous le savez sans doute, c'est le cardinal de Richelieu, bien sûr, qui quelques mois plus tôt avait arrêté les grands principes de cette institution. Et alors, qui sont les premiers académiciens ? Alors, ils sont issus d'un petit groupe de gens de lettres qui n'avaient pas attendu Richelieu pour se réunir. À l'origine, ils étaient 9 et se retrouvaient depuis quelques années déjà au domicile de Valentin Conrart, qui était secrétaire du roi, féru de belles lettres et de bonne compagnie, devrais-je dire. Et une fois par semaine, ces beaux esprits donc se réunissaient chez lui pour deviser. Prestigieuse petite assemblée qui commençait à agacer un peu Richelieu, hein, qui se demandait un peu si ces gens n'étaient pas trop indépendants. D'où l'officialisation. Eh bien exactement, le cardinal a défini lui-même la mission des académistes, comme on disait pas académiciens à l'époque. Désormais, l'Auguste Compagnie sera la gardienne officielle de la langue française. Ses membres se mêleront aussi de rédiger un dictionnaire dans une époque où la langue est en train de se fixer. C'est extrêmement important. L'Académie va donc décider des mots, des expressions qui sont propres à figurer dans la conversation. D'emblée, Richelieu fixe le nombre d'académiciens à 40. Sauf de rares exceptions, ils seront choisis non en raison de la naissance ou du rang. Ça évoluera par la suite, évidemment. Mais en théorie, en tout cas, par la seule vertu de leur talent. Ils sont élus à vie. C'est ce qui fait toute la spécificité de l'institution. C'est pour cela qu'on les surnomme immortels. Oui, alors c'est plus précisément du fait de leur devise à l'immortalité qui vise d'ailleurs la langue elle-même plus que les académiciens. Vous vous rappelez la formule gentiment ironique de Rostand dans Cyrano, « Ah, tous ces noms dont pas un ne mourra, que c'est beau ». En vérité, cette pièce vaudra à son auteur une élection sous la coupole. Franck, on vous retrouve tout à l'heure sur Europe 1, 14h. Oui, pour une émission médiévale sur la révolution d'Étienne Marcel.